Je suis sur une route à double sens de circulation. Déporté ainsi à gauche, je vois très bien le virage qui arrive. J'aperçois aussi des flèches de rabattement un peu plus loin. Mon analyse de la situation est un peu tardive, mais il faut décider rapidement. Deux voitures se suivent sans laisser entre elles un espace pour me rabattre. Je renonce au dépassement. Réponse B.